Voilà, nous avons maintenant étudié tous les temps qui existent en italien. Il y en a seulement un que je ne vous ai pas donné, qui est un temps du passé et qu'on appelle le passé simple ou passato remoto en italien. Ce n'est pas un temps qui s'emploie beaucoup dans la langue parlée. Vous le rencontrerez surtout dans la langue littéraire, dans les romans par exemple. Même s'il arrive qu'on l'entende dans le parler courant de certaines régions d'Italie. Pour nous, l'important, c'est de savoir simplement reconnaître ce passé simple. Au lieu de « a parlato », « il ou elle a parlé » ou « vous avez parlé », vous entendrez ou vous lirez « parlo » avec un accent sur le « o » qui signifie qu'il faut insister sur la fin du mot. « Parlo » et non pas « parlo » qui voudra dire « je parle ». Cette règle est valable pour les verbes en « are », tandis que pour les autres verbes, la terminaison est un « e » avec un accent aigu, ce qui donne par exemple « vende » pour le verbe « vendere ». En français, « parlo » et « vende » seraient l'équivalent de « il parla » et « il vendit ». Des formes qu'on ne trouve plus de nos jours que dans la langue littéraire. En italien, vous les rencontrerez parfois au fil de vos lectures, surtout dans la littérature, et il vous suffira de savoir les reconnaître. Ce passé simple, c'est le seul temps que vous n'aurez probablement jamais à employer dans vos conversations avec des Italiens.